Nicolas Sapardi à l'instant sur EFM, la première radio 100% Essonne, c'était Ilia. Bon début de soirée tout le monde, dans un instant, elle sort avec nous en direct, en chair et en os, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Chaïm est avec nous pour la sortie de son album qui s'appelle Prendre l'air, qui sortira le 14 juin précisément, oui, c'est dans quelques semaines. Et ça y est, elle est avec nous. Bonjour Chaïm, bonsoir. Salut. Comment ça va? En pleine forme visiblement. Très très bien, excusez-moi pour le retard. Hein. Non mais il n'y a pas de mal, je veux dire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer tranquillement, on va vous offrir le café, etc. Et puis on va se retrouver dans un instant, d'accord? Génial. Et on va parler de votre album, de vos projets, votre tournée, etc. Ce sera dans quelques secondes sur FM. Surtout, vous restez dans le coin. Sean Paul Lesao pour la suite. Magnifique. Elle est magnifique. Oui, ça Sean c'est Paul clair. Lesao. Ouais, c'est ah, je la connaissais hein. pas, c'est super. Sean Paul Lesao, excellent duo. Le duo québéco-américain. Je sais pas comment on peut dire. C'est bien américain. Voilà. Québécois, algérien, il y a de tout. Hein. Y a du soleil. Il y a un peu de tout aussi. Voilà, c'est un peu ça. Sean Paul dans un instant, le carburant le moins cher. Et Chaïm avec nous, à tout de suite. 16h, 20h, la dernière ligne droite sur EFM avec Stéphane et Régis. Et on est très très content de la recevoir aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'elle vient nous voir d'ailleurs. La première fois c'était en 2007, quelques semaines après la sortie de son premier album, Mes Fantaisies. Et donc à l'époque, elle avait tenu une grande promesse. C'est de revenir nous parler d'elle en direct ici, de nous parler de ses projets, promesses tenues. Et j'ai tenu ma promesse. Je tiens toujours mes promesses. Exactement. C'est une grande qualité. Hein. Comment allez-vous? Le moral est bon, ma chère Chaïm? Très très bien. Mais écoute, tu viens de dire qu'on s'était vu il y a deux ans. Est-ce qu'on peut se tutoyer maintenant? C'est un peu lourd le vouvoiement. Bon, logiquement, on doit se vouvoyer, mais on va se tutoyer alors. Exceptionnellement aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je viens, donc on a le droit quand même. Bon, on va te retenir une petite heure, Chaïm, si tu le veux bien. Mais bien sûr. Car depuis la sortie de ton album Mes Fantaisies, premier album sorti en octobre 2006, il s'est passé beaucoup de chose. Chaïm, c'est plein de hits, plein de tubes. Chaïm, c'est ça. Eh oui. Femme de couleur, premier extrait de l'album. Hein. À 3 ans. 4 ans. Chaïm, ouais, c'est aussi ça. Victoire. Single que tu étais venu nous présenter d'ailleurs en direct. Eh oui. D'ailleurs, une belle victoire, hein, cet album. Ça on fait peut clair. Dire ça, oui. En 2008, la sortie du second album, Reflet, avec cet extrait la première fois. Magnifique. Il y a eu aussi Si tu savais. Ça donne envie de chanter. Ah oui. Bah allez-y Stéphane. Bah oui, te gêne pas. Et votre dernier hit, enfin ton dernier hit, parce qu'on se tutoie. Je sais. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as à vouloir tuer les yeux. L'album s'appelle Prendre l'air, il sortira le 14 juin dans les bacs. À ne pas rater évidemment. Alors, si on fait rapidement le calcul, Chaïm, ça fait un album tous les deux ans. C'est un rythme qui te convient? Pour l'instant, c'est une formule qui marche plutôt pas mal. Donc, on va continuer sur ce rythme, oui. Alors, tout comme les précédents disques, c'est toujours Camaro qui produit, qui signe d'ailleurs la plupart de tes textes sur cet album, sur ce nouvel album qui va paraître le 14 juin. Alors, comment évolue cette collaboration qui dure maintenant depuis 5 ans avec Camaro? Elle évolue super bien et de mieux en mieux. C'est vrai qu'on se connaît maintenant depuis 4-5 ans. Donc, on se connaît beaucoup mieux. Au niveau de l'écriture, c'est encore plus facile et encore plus personnel parce que Camaro me connaît en tant qu'artiste mais aussi en tant que femme maintenant, donc les textes me ressemblent encore plus et le travail est tellement plus facile et tellement plus spontané que c'est que du bonheur. Alors sur ce troisième album, tu ne participes pas à l'écriture des textes et pendant une interview que tu as gentiment accordée au site internet chartinfrance.net, t'as déclaré ceci, ce n'est pas parfait nianti, c'est une qualité que je n'ai pas. Alors est-ce que tu le penses réellement et est-ce qu'on va pouvoir retrouver tes propres paroles sur un futur album? Ouais, non, je pense effectivement que c'est pas un talent que j'ai et c'est un métier à part entière que d'écrire, en tout cas c'est comme ça que je le considère et je ne pense pas avoir cette qualité ou ce talent-là. Et Camaro le fait tellement bien que pourquoi le faire à moitié quand lui le fait parfaitement bien, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, c'est pas un complexe que de ne pas écrire. Je le ferai quand ça viendra spontanément et quand je me sentirai à l'aise avec ça. Donc pourquoi pas sur un cinquième ou sur un sixième s'il y a. Alors raconte-nous comment s'est passé l'enregistrement, la préparation de ce nouvel album qui arrive bientôt maintenant. On a vraiment pris notre temps. Ça fait j'ai passé deux ans à Montréal en fait, donc coupé de tout, vraiment dans une bulle artistique. Où on est allé en studio petit à petit, suivant les inspirations, suivant les prods aussi qu'on recevait. Et puis finalement, on a fait ça sans pression, sans se poser de questions, sans se dire on veut sortir un album telle date. On a voulu le sortir quand il a été prêt, sans date limite, ni de contrainte. Et ça a été très agréable. Alors ton thème de prédilection reste l'amour pour tes chansons. Bah, comme tout le monde, c'est beau, pas très original. Hein. Alors pourquoi l'amour, Chaïm? Est-ce selon toi le thème sur lequel on peut mieux écrire, mieux chanter? Ben, d'amour, parce qu'on vit d'amour de toute façon, donc on est forcément obligé d'en parler, que ce soit dans le rock, dans le hip-hop, dans la variété, dans le blues, où tout le monde parle d'amour. Après, la radio, de façon différente, en radio aussi. Mais effectivement, oui, je parle d'amour. Après, en fonction de mon caractère et de mon tempérament, j'en parle peut-être différemment que d'autres artistes. Et j'avais aussi envie que ça me ressemble. Donc oui, des titres comme Je sais, comme Prendre l'air aussi, qui parle d'amour, mais de façon très ludique et un peu déjantée, j'ai envie de dire. Mais voilà, non, c'est un thème auquel on passe pas à côté forcément. Forcément. Alors il paraît que côté musique, tu es très éclectique, tes choix musicaux varient beaucoup. Si on faisait un petit tour dans ton baladeur MP3 en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver ? Oh là là, plein de choses. Tu vas retrouver du Muse, du Builder M, du Lila James. Ouais, je sais, j'ai pas eu de place. Oh non. Mais non plus. Ne remue pas le couteau dans la plaie. C'est pas comme ça, non. Mais ils font deux soirs au Stade de France, je crois, c'est assez incroyable. Deux soirs complets. Ouais, d'ailleurs, incroyable. Petite question, le dernier concert auquel t'as assisté, c'était lequel ? C'était qui ? Il me semble que c'était Lady Gaga à Montréal. Lady Gaga. À Montréal, et c'était sa première, il me semble. Donc ça a été, j'ai envie de dire que ça a été une répétition générale, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Et les critiques l'ont fait remarquer le lendemain. Mais par contre, sa prestation à elle est assez incroyable, quoi. Elle a un talent de fou. Ah, et le prochain artiste que tu vas aller voir en concert, ça va être qui ? Bah, ça devait être Muse. Mais du coup, je sais pas, on verra suivant ce qui se présente. D'accord. Promis, si je trouve des places, je t'invite. Même pas vrai, je suis trop loin, tu me les passeras pas. Mais si, on va s'échanger nos numéros. Bon, en tout cas, merci Chaim d'être avec nous aujourd'hui. On va te retrouver dans un instant après les infos de 18h pour. Tiens, on va revenir sur ton album Prendre l'air dans quelques minutes. On va reparler du premier single également qu'on diffuse très régulièrement sur EFM. Et nous, on va revenir avec Le Point Route en Ile-de-France Sud et en Essonne également, juste après les infos de 18h. A tout de suite avec Chaim ici en direct sur EFM jusqu'à 19h. EFM vous propose un tête-à-tête avec Chaim. Et elle est là, juste à ma gauche, en face. Elle est avec nous jusqu'à 19h. Chaim nous fait le plaisir de venir nous voir, de venir nous parler d'elle, de ses projets aujourd'hui dans cette dernière ligne droite. Alors Chaim, il y a très très peu d'informations qui circulent à propos de ton nouvel album qui va sortir, on le rappelle, le 14 juin, Prendre l'air. On peut simplement voir sur internet des photos de ce nouvel opus. Alors pourquoi autant de mystère ? Mystère, je sais même pas. Mais nous, on est curieux, on veut tout savoir. Oui, ben parce que l'album n'est pas encore sorti, donc effectivement, on veut pas tout dévoiler avant qu'il ne le sorte. Mais bon, il y a déjà un premier clip, il y a déjà des nouvelles photos, donc ça annonce l'univers du nouvel album. Mais oui, au niveau des morceaux, c'est sûr qu'on va pas tout donner maintenant, quoi. D'accord. Alors, pourquoi avoir appelé cet album Prendre l'air ? Est-ce que c'est une façon de dire j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer, prendre un nouveau départ ? Ouais, il y a de ça aussi, parce que c'est effectivement, à chaque fois qu'on ressort un nouvel album, bah faut repartir de zéro, faut faire des choses nouvelles pour surprendre un public et pour parfaire un Mes Fantaisies bis. Oui, parce qu'on découvre que c'est quand même de plus en plus pop quand même. C'est vrai que l'évolution des trois albums emmène sur quelque chose de beaucoup plus pop, électro aussi, et puis il faut dire qu'on suit aussi la vague du moment, la vague musicale du moment, et c'est aussi le titre d'une des chansons d'album que j'adore, qui s'appelle Prendre l'air et qui est incroyable. Bien. On l'écoutera avant la fin. On va l'écouter dans quelques minutes. Super. D'ailleurs. Et on sait que cet album a été produit par Camaro. Est-ce que t'as enregistré un duo avec Camaro ? On veut savoir. Eh ben non. Ah. Même non, pas. Non. Est-ce que plus tard il y aura un duo avec Camaro ? Écoute, lui a enregistré un nouvel album français en fait, où il y a un duo déjà qu'on fait ensemble, une chanson qui s'appelle L'un pour l'autre, qui est magnifique. Donc c'est sur l'album de Camaro. En fait. Et sur l'album de Camaro. Elle est pas sur mon album, mais effectivement non, ça s'est pas fait naturellement. Naturellement, il n'y a pas eu de place à un featuring pour Camaro. Alors nous sommes à un peu plus de 15 jours maintenant de la sortie de cet album. Est-ce que vous avez quelques petites appréhensions quant à sa sortie ? Honnêtement, pas vraiment en fait, parce que le premier single, je sais, a un accueil incroyable. Je pense que aujourd'hui, ça sert plus à grand chose de stresser parce que l'album ne m'appartient plus. Le succès ou le non-succès ne dépendra pas de moi, donc je laisse les choses aller, je profite au jour le jour et puis je m'amuse, quoi. Bon, en tout cas, on croise les doigts, nous. C'est clair. Est-ce qu'il y a des gens de ton entourage qui connaissent un petit peu cet album ? Si oui, quelles ont été leurs réactions ? Non, je crois que ma maman a écouté quelques titres, mais je pense que c'est pas l'avis le plus objectif qui soit. Donc, ton petit ami ne connaît pas l'album, alors même pas. Je dirais pas s'il y a petit ami ou ami, donc ça reste un grand mystère. Mais oui, ça par contre, ça reste un mystère et voulu en plus. Pour moi, c'est ma vie privée, c'est deux choses très différentes et je me préserve beaucoup là-dessus parce que sinon j'en finis pas. Mais pour revenir à la question initiale, ma maman a beaucoup aimé l'album. D'accord, bah comme ça on est au courant. Voilà. Alors Chaim, en plus d'être magnifique, on a un autre point commun tous les trois avec Stéphane, c'est qu'on est très timide. C'est vrai. Ce qui fait que sur votre précédent album, vous n'aviez pas fait de tournée. Alors la grande question, c'est y en aura-t-il une ? Oui, il y en aura une, j'espère, en fin d'année. On est vraiment en train d'en parler et se pencher sur la question. C'est vrai que j'ai fait une petite tournée, mais il y a déjà deux ans et demi. Avec notamment un Olympia qui était sold out. Absolument, absolument. Et la veille de mon anniversaire, donc c'était juste un moment incroyable et qui m'a donné envie de justement de monter sur scène. Et cet album-là plus particulièrement, parce qu'il y a des choses en live qui vont être super, qui vont donner une autre couleur aussi au morceau. Donc ce sera de toute façon annoncé sur le site. Alors est-ce que vous connaissez quelques dates? Non, pas encore, même pas de mois. On prévoit ça pour la fin de l'année, mais c'est encore. Enfin, il y a une grosse logistique derrière. Il faut penser à la formule, il faut trouver aussi. Faudra passer le revoir pour en parler. Absolument. Troisième fois, jamais 203. Si je suis aussi bien accueillie, je reviens quand vous voulez. Bon, alors, il paraît, parce que nous, on est bien renseignés ici. J'aime bien les rumeurs. T'as toujours l'oreille scotchée à ton téléphone portable en train d'envoyer des textos, etc. Ouais. Alors, petite indiscrétion, à qui était destiné le dernier texto? Le dernier texto, et il était destiné à mon styliste, tiens, parce que je vais dîner avec lui ce soir. Bah pas grand chose, je lui disais à quelle heure et où. Donc on est censé dîner ce soir parce qu'on prépare des séances. Et donc c'est à quelle heure et c'est où? C'est à 20h30, mais je ne dirai pas où. Dans Paris. Bon, à 20h, on est dispo, nous, Stéphane? Ah bah nous, dès 20h, il n'y a aucun problème. Bon, vous habitez trop loin, vous êtes trop loin de Paris. C'est ouais, on a des limousines. C'est vrai? Ouais. On n'a pas que ça, hein, si tu savais. Bon, on va reparler de ton album. Je ne veux rien savoir. On va reparler de ton album dans un instant, Chime, évidemment, prendre l'air. Et tiens, justement, prendre l'air, ça donne ça. Petit extrait. Donc ça, c'est ton titre préféré sur l'album? Ouais, l'un de mes préférés. J'en ai deux, mais celui-ci, ouais. Eh bien, on va reparler de l'album Prendre l'air et puis de ton premier single, extrait de cet album, je sais, dans un instant. Surtout, tu ne bouges pas, personne ne bouge. On revient sur EFM et puis Cascada, écoutez également Pyromania. A tout de suite avec Chaïm. Événement EFM vous propose un tête-à-tête avec Chaïm. Chaïm avec nous en direct jusqu'à 19h sur EFM encore pendant une petite demi-heure. On va peut-être le garder jusqu'à 22h, 23h. Ouais, une demi-heure, c'est trop court, hein, moi je suis d'accord. T'as un resto de prévu à 20h ce soir. Ah, tu veux pas le reporter? Non, c'est pas possible. T'es avec qui? Avec ton décorateur? Avec mon styliste décorateur. Oui, je me décore le corps. Oui. C'est Stéphane, quoi, avec ton DDD. Parce qu'on parlait décoration intérieure avant, c'est pour ça. Bon, on va revenir maintenant sur ce premier single tiré de l'album Prendre l'air, disponible dès le 14 juin, on le rappelle. Le premier single en question, c'est Je sais, on le passe très régulièrement sur EFM, bien sûr. Ça parle de relations un petit peu difficiles. Alors, parle-nous un petit peu de cette chanson. C'est du vécu, c'est un constat, dis-nous tout, on veut tout savoir. Oui, c'est du vécu, forcément, mais. Bon, j'ai extrapolé un peu la chose, mais effectivement, ça parle des relations hommes-femmes de façon un peu ludique, ou sous le cliché des nanas un peu chiante, un peu titillante, mais qui finalement plaisent aux hommes, parce que c'est aussi pour ça qu'on nous aime. Oui, ouais, ça dépend quand même. On parle aussi de relations mûres là. Il y a un certain degré quand même. C'est vrai, Non, mais c'est vrai que c'est dans relations mûres, dans le sens où c'est pas une relation pour moi de quelques mois, etc., mais plus la complicité de 3, 4, 5 ans où effectivement on sait qu'on se prend la tête, mais en même temps on se connaît par cœur et c'est vrai. Comme ça que ça fonctionne. Et on en joue en plus. Et on en joue absolument. Alors, qui est-ce qui a pris la décision justement de sortir ce Je sais en tant que premier single de l'album? C'est un peu tout le monde. Moi, ça a été mon choix, mon premier choix. Ça a été le choix aussi de mon producteur, donc Camaro, et aussi le choix de la maison de disques. Donc tout le monde a été unanime et c'est bien quand ça se passe comme ça. Alors, la raison, c'est. Le titre est évident. Comme on les appelle, c'est un tube. Donc voilà, il est catchy, il rentre en tête, il est efficace. Et puis, je voulais arriver avec un thème un peu rigolo. Je voulais pas arriver avec un thème trop sérieux, trop revendicateur, trop dramatique, voilà, aussi, trop dramatique. Je voulais arriver avec quelque chose de frais, de léger entre guillemets, et qui aille aussi avec le nom de l'album, qui est Prendre l'air. Je voulais que les gens s'éclatent dessus. Et cette chanson, alors Je sais, donc premier extrait de l'album, reflète-t-elle bien le style de ton nouvel album? Absolument, absolument. Il y a beaucoup plus de up-tempo que sur les précédents. J'avais vraiment envie d'avoir des morceaux qui bougent parce que voilà, je voulais m'amuser, je voulais que les gens dansent sur cet album. Et on a fait quelques balades, mais vraiment pas beaucoup en fait. On peut danser sur des balades, mais c'est un peu plus collé. C'est pas la même danse, quoi. C'est une danse très serrée, très. Voilà. Alors, si tu le veux bien, on va parler un petit peu du clip de Je sais qui a été tourné en plein désert californien. On te voit notamment habillé tout en noir, en cuir. On peut dire au passage que ça te va très très bien. On te voit réaliser une choré avec d'autres danseurs. On confirme au passage que d'être une chanteuse, bah, t'es une très bonne danseuse. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette passion que t'as pour la danse, que tu dis indissociable en plus de ton amour pour la chanson? Oui, pour moi, c'est vrai que dès que je fais un tempo, ça me paraît difficile de pas mettre de la danse dedans. Ça a été une super belle expérience parce qu'on est parti quelques jours à Los Angeles, donc avec une équipe, avec les danseurs, avec le décorateur, ouais, le styliste, avec ma maquilleurs, coiffeurs, etc. Donc c'était vraiment une petite bande de potes, on va dire, qui a passé une semaine dans un désert. Et c'était très, très agréable, vraiment. Alors, Pékin Express. Ouais, voilà. C'est vrai, Pékin Express. Alors justement, que voulais-tu montrer précisément dans ce clip? Je voulais montrer le côté, un côté de moi qu'on n'avait pas forcément vu sur les précédents clips, mais je voulais me montrer en train de m'éclater en fait. J'ai toujours été dans une image assez conservatrice, assez posée, comme ça, dans une image assez... La gentille petite fille. Voilà, un peu lisse, j'avais envie de dire. J'ai pris 4 ans dans une période assez charnière chez quelqu'un, c'est-à-dire que je suis devenue une femme, on va dire, à 24 ans. Et voilà, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de m'assumer, de m'éclater et puis de ne pas me poser de questions surtout. Alors, tu es jeune, tu es belle, on pourrait même dire que tu es chaimante, on peut inventer un adjectif. Hein. C'est la première fois qu'on me l'a fait, dis donc. T'es chaimante. C'est chaimante. La chaimante, hein. Chaime. J'aime bien. C'est pas mal. Et tu réalises en plus tes rêves de petite fille, puisque bientôt 3 albums à ton actif. Que peut-on te souhaiter pour la suite, Chaime? Bah écoute, que ça continue comme les précédents, que le troisième album soit accueilli comme le premier, comme le deuxième. Et puis, ouais, du bonheur, je pense que c'est la clé de l'épanouissement, c'est d'être bien dans sa peau, d'être heureux. Eh bien, écoute, ce qu'on te propose, Chaime, c'est de revenir dans quelques minutes. On va continuer à parler de ton album, excellent album qui sort le 14 juin, on le rappelle, dans les bacs. Album qui s'appelle Prendre l'air. Et nous, on continue avec un hit dans un instant, Train, Hey Soul Sister sur EFM. Train, avant de retrouver la Chaimante, comme ça que t'as dit ? Oui, Chaimante, ouais, c'est ça. Pas mal. La Chaimante Chaime, dans quelques minutes, juste après l'infotrafic en Île-de-France Sud. Et en Essonne, bien sûr, sur EFM. A tout de suite avec Chaime en direct jusqu'à 19h. Événement EFM vous propose un tête-à-tête avec Chaime. Elle est avec nous, elle est belle. Elle est avec nous jusqu'à 19h, encore un petit quart d'heure. Chaime, pour la sortie de son nouvel album, on le rappelle, qui s'appelle Prendre l'air, qui sortira dans... Même pas 3 semaines, le 14 juin. Voilà, le 14 juin. Alors justement, comment définirais-tu ton album Prendre l'air en 3 mots? Allez, comme ça, hop, on se lance, en 3 mots. Frais, dynamique et passionné. Frais, dynamique et passionné. Alors voilà. Moi je suis curieux de savoir quels sont les artistes qui t'ont influencé, qui t'influencent toujours à l'heure actuelle. Ah, c'est difficile cette question parce que je suis pas influencée consciemment, on va dire. C'est sûr que je suis le courant du moment musical, donc j'adore tous les artistes qui sortent, tels Lady Gaga, Madonna aussi, voilà, toute la musique moderne. Ah, tu l'aimes bien, Lady Gaga. Lady Gaga aussi. Bon, je n'approuve pas tout de A à Z, mais en tout cas j'aime son univers artistique, je trouve qu'elle a beaucoup de talent et ça c'est indéniable. D'apporter quelque chose de nouveau en 2010, c'est très dur et je trouve qu'elle le fait très bien. Donc voilà, et après c'est vrai que j'adore la musique française aussi pour les textes et pour la langue qui est très belle. Donc je pense que je m'inspire un peu de tout inconsciemment et j'enregistre en plus mes albums au Québec. Donc il y a en même temps la culture américaine, en même temps la musique européenne, donc ça aide aussi à avoir une couleur différente. Et je croyais vraiment qu'on allait entendre parler de Michael Jackson avec la danse et tout. Michael Jackson aussi forcément. Après non, c'est j'ai pas le discours de dire j'ai eu envie de faire de la danse et de la chanson en voyant Michael Jackson. Fait, ça, c'est pas le cas. Mais effectivement, oui, il a une carrière incroyable et un parcours incroyable et un talent aussi. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment donné envie de te lancer dans la chanson à l'époque? Vraiment pas. Vraiment pas. Je vais pas en inventer parce Aucune que ça influence, a été. Non, vraiment. D'influence de tout. Mais en fait, je suis née dans une famille antillaise, donc écoute beaucoup de musique. Du zouk. Ma mère aussi adore la chanson française. Donc j'ai baigné tout le temps dans la fête, la danse, la musique. Donc c'est déjà des passions qui m'ont suivi depuis toute petite. Toi qui es antillaise, est-ce que t'aimes Francky Vincent? Ah vas-y Francky, c'est bon. Bien sûr. Avec Fruit de la Passion, etc. Je connaissais les paroles par cœur à 10 ans et je chantais des trucs mais tellement obscènes que ma mère avait les yeux qui révulsaient à chaque fois que je chantais Francky Vincent. C'est vrai que généralement Francky Vincent s'en rend compte quand on est un petit peu plus mûr ce que ça veut dire. Francky Vincent, j'aime quand tu touches Francky Vincent. C'est super. Une reprise de Francky Vincent, pourquoi pas? Ça serait bien, non? Un duo probablement. Ou un duo, mais là c'est vrai. Enfin là, un duo, ça serait pas que chanter avec Francky Vincent. Faire une célébrité pendant qu'on y est. Alors, l'industrie du disque est en ce moment dans une passe un peu difficile, Chaime, tu le sais, les téléchargements, etc., etc. Est-ce que cela t'effraie pour ton avenir? Ou au contraire? Non, ben c'est vrai que je suis née dans une génération de téléchargement. De toute façon, tu télécharges ou pas toi? Non, ben j'ai téléchargé plus jeune, oui. Maintenant, oui, je télécharge, mais légalement. Après, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, je ne peux que soutenir ce discours-là parce qu'effectivement, mis à part l'artiste, il y a vraiment toute une industrie qui travaille derrière, des gens qui travaillent derrière, des commerciaux, des gens qui sont plus près ou plus loin. Mais on est tellement dans une technologie où on vous incite à télécharger légalement, une technologie de facilité où effectivement le jeune de 14, 15 ou 20 ans qui est devant son ordinateur ordi qui peut avoir un titre gratos sans se déplacer, sans bouger ses fesses. Ça, c'est clair. C'est sûr que la tentation est tellement forte que voilà, ça ne peut pas. Tu ne te rends pas forcément compte qu'il détruit. Toute une industrie. Bien sûr. Bah, petit à petit, oui. Et puis le cinéma aussi pourra peut-être être touché aussi d'ici quelques années. Et mais bon. C'est voilà, vrai que les revenus d'un artiste, surtout les concerts maintenant, les albums, malheureusement, par rapport à il y a quelques années, on en vend beaucoup moins. Bah voilà, on travaille différemment. On essaye de trouver d'autres solutions, d'autres stratégies. Le net maintenant est un outil aussi très utilisé pour la promo et la vente des albums. Mais voilà, faut faire avec son temps et évoluer avec la technologie du moment. Alors on rappelle que votre album Prendre l'air sort le 14 juin prochain, soit 3 semaines avant suite, Sheriff Aluna, la jeune chanteuse de R&B qui a été révélée par Popstar, c'était en 2007. Une voyelle, une consonne. Et nous, on fait la poule, là. fais la poule. Alors, est-ce que vous la voyez comme une rivale potentielle? Non, pas du tout. Et puis, je l'ai rencontrée à quelques reprises sur des émissions et elle est adorable, elle est super gentille, elle est super simple aussi. Non, une rivale, non, comme toutes les autres, telle Vita ou Zao. Je pense qu'on a toutes quelque chose de différent et c'est important de se démarquer et d'avoir cette différence parce qu'on a finalement une autre place chacune et on se ressemble pas, donc non, il y a pas de concurrence. Et puis Sherifa, elle danse pas. Si, elle dansouille, je crois. Ouais. Elle dansouille, donc elle danse pas, on est d'accord. Non, bah dans le sens où elle l'utilise pas forcément dans ses clips et dans son image, mais si, moi je l'ai vue dans des concerts où elle bouge bien son popotin. Parce que quelle est la différence entre danser et dansouiller alors? Alors danser, c'est effectivement dans mon cas, parce que j'utilise vraiment dans mon projet, dans mon image, dans mes clips, etc. Et effectivement, Sheriff Aluna, elle est moins dans cette optique-là de danse ou de chorégraphie, mais elle dansouille parce qu'elle danse quand même pas mal, ouais. Alors t'es très très proche de ton public, t'as un forum officiel, t'as une page Facebook, un MySpace, un portable qui est le 06 83 13. Comment tu connais? Alors en quoi est-ce si important pour toi de garder un lien direct avec tes fans? C'est eux qui font tout. En une phrase, on est voilà, une fois que l'album est fait, c'est sympathique de s'éclater en studio et de s'éclater pendant quelques mois à se dire je veux faire ci, je veux faire ça, je veux chanter ça. Mais une fois que l'album est fait, il est entre les mains du public et c'est le public qui fait que ça fonctionne ou pas. Donc forcément oui, un lien avec eux par internet parce que c'est facile de garder le contact et puis c'est super agréable, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, on va te retrouver dans un instant pour la dernière fois d'aujourd'hui, parce qu'après, ben, malheureusement, tu vas repartir. Voilà. Sniff. Ça va être très très triste. Pour mieux te retrouver dans quelques semaines, pourquoi pas. De toute façon, tu connais la maison. Absolument. Il y a aucun problème. Je reviens vite. Bah, de toute façon, on lui a fait un double des clés. Hein. Maintenant. Elle a même le double de la limousine. Bon, Prendre l'air, c'est l'album. Il sort le 14 juin. Un petit extrait. Je suis moi, tu vois, par exemple. Moi, j'aime bien ça. Moi aussi, j'adore. Ça, j'aime bien, ça. Je suis moi, extrait de l'album Prendre l'air qui sort le 14 juin prochain. On revient dans un instant avec Shime en direct avec nous jusqu'à 19h encore pendant quelques minutes sur FM. Et puis le top 5 des stations service les moins chères, à tout de suite. Événement EFM vous propose un tête à tête avec Shime. Et tiens, justement, on parlait de Sheriff Aluna tout à l'heure. Et là, donc, Amel Bent, est-ce que t'aimes Amel Bent? J'adore ce titre. J'aime beaucoup. En fait, Amel, j'aime bien quand elle est dans des trucs d'émotion, où elle a la voix à fleur de peau. J'aime beaucoup cette ce voix titre, cassée là. C'est... Absolument. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est Popstar, Star Academy, enfin, Sextopus, Star Academy? Il y a à peu près 800 ans que ça n'existe plus, mais bon, Popstar, la nouvelle star, etc. Tu l'aurais fait toi? Non, alors moi je l'aurais pas fait tout simplement parce que beaucoup trop timide, j'ai pas le caractère à m'exposer comme ça en live sur des scènes, j'aurais vraiment pas osé. Mais par contre, la nouvelle star, au niveau du casting, c'est super bien fait. Et cette année, il y en a 2-3 là qui sont assez incroyables, notamment moi j'adore Luce et Lucie. Luce, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Incroyable. Et puis le petit roux qui est parti hier, moi je l'adorais, c'est pas juste qu'il soit parti. Alors là, je suis largué, moi je regarde pas. Ouais. Donc, Non, mais il faut parce qu'il débouche vraiment des beaux talents. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui en même temps que leur carrière musicale font du cinéma, est-ce que ça fait partie de tes projets? Non, pas pour l'instant parce que déjà j'ai pas eu de proposition, mais encore une fois voilà, c'est un métier à part entière et puis si faut le faire bien. Moi j'adorais le théâtre quand j'étais plus jeune, j'ai pris plein de cours, donc oui c'est quelque chose que j'aime à la base, mais on s'invente pas comédienne comme ça du jour au lendemain, à moins d'avoir un vrai don et que ce soit naturel. Et c'est vrai qu'il y a un artiste qui travaille avec beaucoup de monde en ce moment et en plein dans la mouvance, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est David Guetta. Et il t'a pas contacté non, pour remixer l'un de tes morceaux? Non, mais alors s'il me contacte, moi c'est oui, oui, direct. Hein. Oui, clair. Ça c'est clair. Après David Guetta, c'est Timbaland. Ouais. Ah oui, Timbaland, c'est vrai. Ouais, mais Timbo, faudrait qu'il revienne en fait. Ouais, Timbo. Oui, parce que c'est vrai que son dernier album, voilà, c'est vrai qu'il y a une petite dégringolade quoi. Absolument. Et si David Guetta te le proposait, ce serait plutôt pour quel titre que tu. Enfin, t'aimerais voir quel titre mixer chantée par David Guetta. Un de mes titres, tu veux dire? Oui. Ouais, alors je dirais soit Prendre l'air ou soit Je suis moi. Bon, ah, c'est vrai. De toute façon, il nous écoute, hein, il a une petite voilà, maison. Voilà, donc David, ici. Écoute. Bon, je l'appellerai tout à l'heure. C'est la fin, c'est l'heure de se quitter, ma chère Chaim. Oh, on a déjà passé vraiment un excellent moment en ta compagnie. Moi de même. Il manque pas une question là, Stéphane? J'ose pas la faire, cette question. Ah, mais si, ne la fais pas si tu n'oses pas. Non, je vais laisser Régis le faire. Non, tiens. Bah écoutez, prenez votre courage à demain, vous l'avez bon, écrite. Alors, la question de la fin, c'est Stéphane ou Régis? Je dirais Stéphane Régis. Ah, bah, on est. Ouais, c'est un petit peu de la triche quand même. C'est pas mal, bah, un de chaque côté. Non, mais je dirais un peu des deux. On peut pas se contenter que d'un seul. Vous êtes une équipe et vous vous complémentez tous les deux, donc je dirais les deux. On va prendre une coloc, Stéphane. Hein. Merci, c'est gentil. En tout cas, mille merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Chaim. Merci, Chaim. On rappelle Chaim. Que l'album merci. S'appelle Prendre l'air. Il sort le 14 juin, c'est dans quelques semaines. Et d'ailleurs, on va écouter un extra avant de se quitter. C'est Tourne. Je fais un gros bisou à tous les auditeurs. Eh bien, nous aussi, on t'embrasse, Chaim. On va venir t'embrasser en direct d'ailleurs, juste après. Allez, viens. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. On va prendre des photos, on le mettra sur Facebook, évidemment. Bon, Chaim, on te souhaite tout ce qui est de mieux. Tout le bonheur du monde. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été avec nous, Chaim, les infos dans un instant sur FM.